L'histoire commence quand le premier esclave s'est rebellé contre son maître. L'histoire commence quand le premier homme soumis a osé dire non par la voix et par le corps. L'histoire pourrait commencer, parmi tant d'autres exemples, en Martinique, quand ceux qu'on appelait les nègres marrons ont remis en question, au début du XIXe siècle, l'oppression et l'assimilation. Ils auront gain de cause, mais l'histoire raconte que la fin de l'esclavage n'a pas pour autant signifié la fin de l'asservissement, puisque le maître est devenu patron, et que les damnés de la terre le resteront. Voici cette histoire. Il était une fois, à la Martinique, un vieux nègre, tristelet. Et le vieux nègre, tristelet, me disait comme ça, « Ton vieux papa va partir là-haut, et il va jamais comprendre ce qui est arrivé quand les Blancs ont débarqué ici. Les hommes Blancs nous ont chassés, attrapés avec des lassos. Et puis un jour, on nous a débarqués ici. On nous a vendus pour couper la canne de ces Blancs qu'on appelle béquets. Yécric ! Yécric. J'étais jeune garçon lorsque tous les nègres marrons étaient descendus des mornes avec des bâtons, des coutelas, des fusils, des flambeaux. Ils avaient envahi la ville de Saint-Pierre, incendié toutes les habitations. Pour la première fois, les nègres voyaient les Blancs trembler, s'enfermer dans leur belle maison et mourir. C'est comme ça que l'esclavage est fini. Yécric ! Yécric ! On était libres, mais on avait le ventre vide. Le maître était devenu le patron. Alors, je suis resté comme tous les autres nègres dans ce maudit pays. C'est comme ça que parlait mon vieux papa. Debout, les damnés de la terre. Debout, les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère. C'est l'éruption de la faim et du passé. Faisons table rase, pour l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Bidou, bidou, dou, oh, c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Bidou, bidou, dou, oh, c'est la lutte finale. Bonjour Elsa Dorlin. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes avec Merci. Nous depuis Marseille. Vous êtes professeure de philosophie à Paris 8. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier s'appelle « Se défendre, une philosophie de la violence », qui nous sera utile pour l'émission de ce matin. Nous parlons des damnés de la Terre, le livre de Frantz Fanon qui paraît en 1961 pour ce quatrième et dernier temps. Autour de l'œuvre de Frantz Fanon, les damnés de la Terre désignent d'abord les colonisés dans ce livre, mais ont-ils un rapport avec ceux qui se trouvent dans le champ révolutionnaire de l'international ? Certainement, il y a un rapport citationnel avec, avec l'international et avec la commune et la libération. Mais je pense que justement Fanon propose là une autre généalogie au fond des luttes de libération et propose une autre façon de repenser l'internationalisme depuis en fait la position du colonisé comme sujet révolutionnaire et comme celui ou celle par laquelle l'histoire pourra advenir en tout cas de la libération des peuples. Est-ce que c'est le premier à considérer le sujet colonisé comme un sujet révolutionnaire ? En termes de théorisation, en tout cas, c'est l'une des théorisations, on pourrait dire, les plus marquantes, les plus abouties. En tout cas, là, en 1961, je pense que c'est pas anodin. Et puis, il y a aussi une façon de revenir sur une conceptualisation du rapport entre le colonialisme et le capitalisme. Et d'ailleurs, dans Les damnés de la Terre, Fanon dit bien qu'il y a une forme de complicité objective entre le capitalisme, enfin du capitalisme avec le colonialisme, et que probablement il faut repartir de la colonisation pour comprendre en fait à la fois une autre façon de comprendre l'accumulation primitive du capital dans les colonies, avec à partir finalement du vol, de la prédation, du pillage, de l'appropriation des terres et des individus, pour comprendre ensuite l'extension du capitalisme. Et Fanon va prendre au fond cette position qui est de penser cette histoire depuis le territoire colonisé. Mmh. Et aussi, c'est une façon, au fond, de sous-déterminer, ou en tout cas de mettre à distance cette histoire telle qu'elle a écrite depuis les empires, depuis l'Europe. Si on compare cet ouvrage aux autres de Fanon, donc je rappelle qu'il a vécu 36 ans, ce qui lui laisse peu de temps pour publier des ouvrages, même s'il a beaucoup écrit, on les a cités cette semaine, hein, Peau noire, masque blanc, dont on parlait mardi dernier, les écrits sur l'aliénation et la liberté, où on trouve beaucoup de textes psychiatriques dont on parlait hier. Ce texte-là est souvent présenté, car il a connu une postérité peut-être supérieure à celle des autres ouvrages, comme étant celui de son livre qui va s'adresser directement aux damnés eux-mêmes, aux déshérités. Est-ce que vous souscrivez à cette affirmation? Parce que le livre lui-même semble s'adresser à des gens qui ont déjà une certaine expérience, voire un certain bagage culturel. À qui est le destinataire de ce livre? Je pense que c'est peut-être plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a une adresse. De toute façon, Fanon est un penseur de l'adresse, exactement comme dans Peau noire, masque blanc, ou dans Les damnés de la terre. La conclusion est d'ailleurs assez claire. En fait, il s'adresse surtout à une humanité nouvelle, à l'homme nouveau. Et de ce point de vue-là, en fait, probablement que, plutôt que de penser pour qui il écrit, puisque clairement il écrit de toute façon pour la lutte de libération nationale et pour soutenir la révolution algérienne, mm-hmm. mais plus globalement, je dirais que il essaye d'imposer surtout un autre cadre d'intelligibilité dans lequel son discours se positionne. Il essaye de construire un autre schème, un autre rythme en fait dans la pensée politique. Et c'est dans cette perspective là que, au fond, il vient complètement destituer le colon et plus largement, le colonisateur, l'homme blanc. Il vient le destituer de son statut d'interlocuteur obligé, mmh. ou d'autorité, même au niveau du discours, c'est-à-dire qu'il viendrait rendre légitime sa parole ou la rendre audible. C'est ça, c'est une. Oui, vous dites destituer l'homme blanc de son rôle privilégié et de destinataire obligé, au fond. Il montre bien dans Les damnés de la terre, il y a beaucoup d'analyses très, très riches et très précises sur ses interlocuteurs, justement. Il dit que pour les personnes colonisées, le seul représentant de la société dominante, c'est pas l'instituteur, c'est pas le père, c'est le policier, c'est le gendarme. Et que, d'emblée, la relation est sous le signe de la violence et de la répression. Ben, ce point est très intéressant parce que justement là on voit bien la façon dont il déplace complètement le contexte, l'espace-temps dans lequel son discours va prendre place. Et lorsqu'il parle justement le passage que vous évoquez, il parle précisément du capitalisme tel qu'il se déploie en Europe et de la violence du capitalisme et de l'exploitation. Et il insiste sur cette idée d'une violence qui en même temps est constamment médiatisée par un certain nombre d'autorités, d'ordres à la fois discursifs, moraux, et donc qui passe effectivement par l'éducateur, le médecin, etc. Or, ce qu'il montre, c'est que en territoire colonisé, dans la colonie, dans le monde colonial, il n'y a pas tous ces intermédiaires. Et dans une certaine mesure, cette violence de la domination, cette violence de l'exploitation, elle est nue, elle est crue, elle est donc saisissable en fait dans toute sa vérité comme une violence mortifère. Et c'est le oui, allez-y. Pardon. Et c'est de ce point de vue-là, finalement, d'ailleurs, Sartre le relève dans la préface. Hein, il y a toute un jeu dans la préface de Sartre aux damnés sur la dimension de mise à nu de la vérité, mm-hmm. De striptease de l'humanisme, ou de Sartre parle même de l'humanisme tout nu et pas beau, tel qu'il précisément. Il s'exerce dans le monde colonial, c'est-à-dire un humanisme qui n'en a évidemment que le nom et qui est une sorte de mystification qui n'est bonne que pour la métropole, pour que la métropole se continue de faire semblant d'oublier qu'elle a des colonies. Mais lorsque Fanon justement s'ancre et ancre sa réflexion depuis le monde colonisé, alors vraiment il y a cette violence absolue de la colonisation, et sans intermédiaire, sans superstructure, il le dira, et qui permet là de proposer précisément une autre histoire. Et c'est en ce sens que finalement, à l'égard d'une pensée européenne, à l'égard de tout un discours ou d'une pensée blanche, Fanon écrit dans Les damnés, je le cite, hein, pratiquement, « je l'emmerde ». On reviendra sur la préface de Sartre plus tard, parce qu'en effet, le texte a lui-même fait polémique, on dira pourquoi tout à l'heure. La préface de Sartre également, et encore aujourd'hui, on en entendra un extrait. Mais d'abord, je vous propose qu'on ouvre le livre, qu'on commence à le lire. Voici une page du premier chapitre intitulé « De la violence », donc « Des damnés de la terre ». Écoutez cette écriture incroyable et complètement novatrice qui, cette fois-ci, identifie la domination, non pas d'un point de vue simplement psychique, comme on l'a vu hier, mais du point de vue du corps, il parle du muscle. Voici donc cette philosophie du muscle qu'il propose. Le colonisé est toujours sur le qui-vive, car déchiffrant difficilement les multiples signes du monde colonial, il ne sait jamais s'il a franchi ou non la limite. Face au monde arrangé par le colonialiste, le colonisé est toujours présumé coupable. La culpabilité du colonisé n'est pas une culpabilité assumée. C'est plutôt une sorte de malédiction, d'épée de Damoclès. Or, au plus profond de lui-même, le colonisé ne reconnaît aucune instance. Il est dominé, mais non domestiqué. Il est infériorisé, mais non convaincu de son infériorité. Il attend patiemment que le colon relâche sa vigilance pour lui sauter dessus. Dans ses muscles, le colonisé est toujours en attente. On ne peut pas dire qu'il soit inquiet, qu'il soit terrorisé. En fait, il est toujours prêt à abandonner son rôle de gibier pour prendre celui de chasseur. Le colonisé est un persécuté qui rêve en permanence de devenir persécuteur. Les symboles sociaux, gendarmes, clairons sonnant dans les casernes, défilés militaires et le drapeau là-haut, servent à la fois d'inhibiteur et d'excitant. Il ne signifie point « ne bouge pas », mais « prépare bien ton coup ». Et de fait, si le colonisé avait tendance à s'endormir, à oublier, la morgue du colon et son souci d'expérimenter la solidité du système colonial lui rappelleraient à maintes reprises que la grande confrontation ne pourra être indéfiniment reportée. Cette impulsion à prendre la place du colon entretient un tonus musculaire de tous les instants. On sait en effet que dans des conditions émotionnelles données, la présence de l'obstacle accentue la tendance au mouvement. Les damnés de la terre de Frantz Fanon sur France Culture, les chemins de la philosophie, aujourd'hui en compagnie d'Elsa Dorlin. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte vraiment magnifique, Elsa Dorlin. On va prendre le temps de le commenter. Un point d'abord, je remarque, évidemment, comment ne pas le remarquer, que cette référence aux muscles et au corps, on la retrouve dans votre travail, Elsa Dorlin. Et je voudrais savoir dans quelle mesure est-ce que Frantz Fanon a pu influencer ou quel rôle il a joué dans votre propre pensée. C'est un rôle immensément important. C'est vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'écriture de Fanon est totalement révolutionnaire, justement. C'est quelque chose que, lorsque on lit Fanon pour la première fois, je crois qu'il y a un effet de choc. Il y a un effet de choc et il y a une sorte de revitalisation de la pensée jusqu'au bout, justement, des muscles. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui est une langue déjà extrêmement charnelle, incarnée. Mmh. Et penser la politique depuis, justement, cette échelle des corps, ce que l'on a évidemment pu beaucoup penser à partir du chapitre de l'expérience vécue dans Peau noire, masque blanc, mais là, dans Les damnés de la terre, au fond, il radicalise ce positionnement et cette perspective. Et il y a quelque chose de très intéressant, y compris dans le passage que vous avez là mis en exergue, c'est que c'est comme si, depuis justement le monde colonial et depuis la description charnelle, musculaire, de ce que fait la violence coloniale au corps et à la vie, enfin, et à l'individu, ici, c'est saisissable de façon à ce point parlante, précisément parce que dans le monde colonial, encore une fois, il n'y a pas tout ce vernis idéologique qui fait que il semble impossible ou extrêmement compliqué d'avoir accès à ce vécu corporel de la violence et de la domination. Et de ce point de vue-là, la description que fait Fanon de ce que fait la violence coloniale au corps et aux muscles, on voit bien qu'il y a une forme de prégnance de tous les instants et de pression qui décrit vraiment la domination, non plus comme un rapport juridico-politique, mais comme un rapport qui est constamment dans un affrontement quotidien, permanent, presque cellulaire, ce que Fanon appellera vraiment cette violence au corps à corps, et qui, je pense, oui, ouvre à une autre façon, en fait, de penser la philosophie politique et de penser la lutte. D'ailleurs, il précise bien que le colonisé est dominé, mais non domestiqué. Autant hier, on a vu la dimension psychiatrique de la notion d'aliénation, qui est très chère à Fanon, autant ici, la distinction justement entre le corps d'un côté et disons la psychologie de l'autre permet à Fanon de présenter le colonisé comme quelqu'un sur qui on exerce un pouvoir, mais qui garde tout à fait cette forme de liberté qui lui permet de remettre en cause ce pouvoir. Dire qu'il est dominé et pas domestiqué, ça veut dire que à l'intérieur, c'est là il faut distinguer le corps de l'esprit, il sait très bien ce qu'il en est et il n'a pas accepté cette domination. Il y a moins de... Dans le monde colonisé, enfin là, en l'occurrence, sur la situation algérienne, dans une certaine mesure, le pouvoir colonial, les colons, se sont moins préoccupés d'une sorte de domestication ou de d'octroi de droits, même d'un point de vue formel ou principiel. Il y a eu vraiment une forme de, on pourrait dire, une forme de pornographie de la violence, vous voyez ce que je veux dire, au sens où ça a été une violence inouïe, permanente. Et lorsque Fanon, justement, avant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant qu'il décrive là le corps colonisé, il parle d'abord de l'espace de la ville, il parle d'abord de cette division, cette segmentation, cette cartographie, exactement, la dimension compartimentée de l'espace colonial. Et lorsque je parlais tout à l'heure de vérité crue, ou qu'il y a moins de dispositifs idéologiques qui viendraient faire passer cette violence pour un progrès, pour une sorte de bienfait civilisationnel, finalement, ça s'est matérialisé dans la ville coloniale, avec évidemment la ville des colons, blanche, lumineuse, aérée, propre, etc. Et puis la ville, la partie colonie, enfin où on laisse les colonisés, la Casbah, et que Fanon décrit vraiment comme une ville où le corps lui-même n'a pas d'espace, où il n'y a pas de temps en fait pour soi, il n'y a pas d'espace, où il y a une violence dans les conditions évidemment matérielles d'existence, de saleté. Il y a une violence qui est créée aussi par la faim, par l'inconfort et par cette idée qu'on tente de transformer au fond les populations en des parasites, en des bêtes qui grouillent. Donc il y a toute une métaphore, hein, un bestiaire pour décrire les colonisés, comme de la vermine, par exemple. Et ça, on voit bien également que quand la domination se matérialise jusque dans, évidemment, la géographie urbaine, ça fait quelque chose, ça produit un type de sujet qui est un sujet qui n'est pas tant effectivement discipliné que maintenu comme une bête dans une cage, ou maintenu en laisse, ou maintenu avec un étau pour l'empêcher de bouger. Mais le paradoxe, c'est vraiment le levier sur lequel Fanon va jouer, c'est que lorsqu'on s'enfonce dans la description musculaire, phénoménale, charnelle de cette domination, on comprend aussi que dès que la pression va s'amoindrir, même ne serait-ce qu'un instant, eh bien, ces corps réduits, ces corps dominés, maintenus avec sous l'étau de la domination, mais le muscle ne fera qu'exploser. Ce seront des corps explosifs. Et de ce fait-là, on a la description charnelle d'une libération révolutionnaire qui se joue à l'échelle du muscle. D'où la question de la violence, puisque c'est le titre de ce chapitre justement. Dans quelle mesure est-ce que cette violence-là, on en a un petit peu parlé cette semaine, mais pas assez, dans quelle mesure la violence est quelque chose qui est jugé par Fanon comme indispensable dans un processus de décolonisation et donc de libération de ces colonisés, qui est quand même ce qu'il a en tête. Est-ce qu'il précise de quelle façon doit se faire le recours à la violence? Parce que c'est pas une réflexion sur la légitimité de la violence, celle-ci est un donné, puisque de toute façon elle est vécue par le colonisé. Comment lui-même, et ce point est important parce que Sartre va détourner un peu le texte justement, comment Fanon lui-même s'exprime-t-il, théorise-t-il ce rapport à la violence? Alors, c'est évidemment central. Il n'y a pas de la violence ici n'est pas n'existe pas seulement par le fait qu'elle soit vécue. Il y a une effectivité, une matérialité de la violence coloniale qui est décrite par Fanon comme une violence absolue. La colonisation, c'est la violence absolue. Et effectivement, elle est citée d'un point de vue quantitatif par Fanon, qui revient plusieurs fois sur les 45 000 victimes de Sétif en 47, sur les 90 000 victimes à Madagascar, et donc sur les massacres coloniaux. Les massacres coloniaux qui sont non pas des exceptions dans l'histoire coloniale, mais qui sont le régime ordinaire du colonialisme, par le massacre. Et donc cette violence, dit Fanon, elle est, dans une certaine mesure, le colonialisme lui-même. Mmh. Donc il n'y a pas le rapport à la violence, c'est l'idée que le colonisé a la violence à fleur de peau. Le colonisé est finalement formé à la violence, celle du colon. Et à plusieurs reprises, on peut considérer qu'il y a des modes de résistance psychique à cette violence. Donc on l'a vu, par exemple, à l'échelle du corps, on voit bien que cette violence, elle est à la fois extrêmement oppressive, mais qu'en même temps, elle maintient le corps en tension. Ouais. Et donc que c'est presque un entraînement au soulèvement. Mais y compris dans les damnés de la Terre, il y a une dimension psychique qui va être travaillée par Fanon à travers les développements sur le rêve, par exemple. Ce qu'explique Fanon, c'est que la violence coloniale a un effet de déréalisation. des réalisations du sujet colonisé, des réalisations de soi, et Fanon retravaille ces processus d'aliénation qui passent par le fait d'être défiguré, le fait que son action est en permanence détournée, et cette idée, Fanon va également la travailler à partir de l'existence onirique des colonisés. Il dit pour résister finalement à la violence absolue du colonialisme, pour résister à ce qu'il appelle cette folie, le colonisé va s'échapper dans le rêve. Oui. Il rêve de courir, il rêve de se déployer. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j'éclate de rire, que je franchis le fleuve d'une enjambée, que je suis poursuivi par des meutes de voitures qui ne me rattrapent jamais. Pendant la colonisation, le colonisé n'arrête pas de se libérer entre 9h du soir et 6h du matin. Exactement. Et dans une certaine mesure, il faut comprendre que la violence est pour Fanon un processus de réalisation de soi, c'est-à-dire vraiment une rematérialisation de cette action de l'individu dans le réel. Et il y a toute une réflexion de Fanon qui va va nommer la violence la praxis absolue, et il faut comprendre ça de deux façons. Fanon dit bien que par praxis absolue, il appelle la violence un travail. La violence, c'est un travail, c'est-à-dire ce travail de encore une fois où je me rematérialise, je me réalise enfin. Ici et maintenant. Et Fanon donne des exemples. Il dit que ça passe par des regards qui se font où je cesse de baisser les yeux. Ça passe par le refus de parler, par des silences. Ça passe par des attitudes. Ça passe par des préparatifs au combat. Par une sorte de travail de ce refus qui va venir réorienter la violence subie en violence agie. C'est ce que Fanon appelle la conversion de la violence. C'est-à-dire, dans ce monde de violence, il y a quelque chose qui redonne corps à l'individu et qui va consister à réorienter cette violence, à convertir cette violence en travail, en agir. Et c'est ce que Fanon appelle la praxis absolue. Mais ça passe par des cheminements qui sont à la fois le rêve, la projection, la folie, la violence retournée contre soi ou contre ses frères qui va enfin finir par se retourner vers le colon. Donc il y a vraiment une explication extrêmement complexe de ce mécanisme en fait de subjectivation politique, ce devenir sujet de l'histoire et qui effectivement va penser la violence comme cette ressource, cette ultime ressource de vie dans et par laquelle advient la libération. One of the cities most troubled by animosity between police and Negroes is Oakland, California. On parlait sans cesse de liberté. Or, pendant toute cette période, être noir aux États-Unis, ça voulait dire ne jamais marcher dans la rue avec le même sentiment de sécurité ou avec les mêmes droits que les Blancs. Les policiers ne se comportaient pas différemment avec nous en Californie que dans le Mississippi. Ils ne nous traitaient peut-être pas de nègres à longueur de journée, mais ils se conduisaient exactement de la même façon. Ils nous passaient à tabac, nous braquaient leurs armes sur la tête. C'était ça notre quotidien. On a pris la panthère noire comme symbole, en raison de la nature même de cet animal. Une panthère ne frappe pas la première. Si on l'attaque, elle commence par battre en retraite. Mais si on l'accule, alors elle frappe. Frantz Fanon va mourir très peu de temps après la publication des Données de la Terre en 1961, mais 5 ans plus tard, en 1966, à Oakland, en Californie, est créé le mouvement des Black Panthers, le Black Panther Party par Bobby Seale et Huey Newton, dont vous venez d'entendre la voix. Et vous aurez entendu aussi à quel point la référence à la panthère semble faire référence au texte de Fanon qu'on a entendu, hein, sur ce corps qui lui-même est en mouvement et n'attend qu'une chose, c'est de bondir. Dans quelle mesure, Elsa Dorlin, les Damnés de la Terre de Frantz Fanon a pu influencer, voire faire office d'une sorte de manuel d'organisation et de pratique révolutionnaire ? Alors, les Fanon, les Damnés de la Terre, en l'occurrence, faisaient partie précisément des livres que, pour le Black Panther Party for Self-Defense, il fallait lire. Enfin, c'est-à-dire que toute militante ou militant devait lire dans le cadre d'une attention, d'une acuité à des formes d'autodéfense intellectuelle qui considéraient aussi que un certain nombre de références de textes constituaient des armes intellectuelles, des armes presque de conscientisation et d'avènement de soi dans la lutte et dans le, en l'occurrence la lutte du Black Power aux États-Unis. Ce qui, là où il a été, où le texte est fondamental pour le Black Panther Party for Self-Defense, c'est que ça a permis aussi de conceptualiser, je dirais, peut-être trois points fondamentaux. Oui. La première chose, c'est que, même si c'était déjà tout à fait présent dans des textes antérieurs du mouvement noir, de la pensée noire aux États-Unis, en tout cas, à la fin des années 60, il est clair que la situation des Africains-Américains aux États-Unis est clairement pensée comme une situation de colonialisme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a, on pense l'état racial et le racisme systémique aux États-Unis comme, non pas comme un colonialisme, mais comme s'insérant dans l'histoire du colonialisme. Il va donc se déployer à partir de là l'idée que la situation sociale, politique, matérielle des Africains-Américains est exactement la même que la situation décolonisée, donc du peuple algérien. À partir de cette représentation-là, de ce postulat, on va comprendre aussi que va se déployer dans le mouvement noir la réaffirmation d'un internationalisme et d'une solidarité avec toutes les luttes de décolonisation à l'échelle internationale. Et donc des alliances objectives vont être menées, des solidarités avec notamment les luttes de libération nationale sur le continent africain. Donc ça, c'est vraiment, c'est un tournant en fait dans la perspective politique qui est marquée par le Black Panther Party for Self-Defense. C'est cet internationalisme et cette dimension révolutionnaire qui fait finalement de l'homme et de la femme africaine-américaine également un sujet révolutionnaire paradigmatique pour penser en fait la révolution. Donc la révolution, le renversement du capitalisme et le renversement du capitalisme, c'est-à-dire en tant qu'il est de façon consubstantielle, qu'il fonctionne à la colonisation. Et le troisième point qui me semble tout à fait fondamental, c'est vraiment cette dimension psychique, musculaire, donc qui part vraiment de cette échelle de l'individu qui... dans, on pourrait dire, une certaine pensée philosophique, politique, classique, considère que l'individu est une forme proto-politique, que pour qu'il y ait du politique, il faut déjà qu'il y ait du collectif, etc. Mm-hmm. Fanon, évidemment, va vraiment penser la construction d'une conscience collective, d'une conscience politique, mais il part du muscle, et ça va être extrêmement repris par le Black Panther Party, parce que, dans une certaine mesure, la violence, elle est pensée par Fanon comme ce qui, d'abord, désintoxique l'individu des cadres dominants dans lesquels il est enjoint de se penser et dans lesquels il est enjoint, finalement, de constamment demander une validation, une reconnaissance au dominant lui-même. La violence désintoxique, c'est une expression de Fanon. Hein. Exactement. Et cette idée que le premier usage vital de la violence, c'est d'abord cette violence que, dans une certaine mesure, je retourne contre moi-même pour me désintoxiquer et pour extraire en moi finalement le monde du maître. Et ça a été extrêmement important dans le mouvement du Black Power parce que ça a permis de déployer toute une pensée de la cèse politique, de la cèse martiale, qui fait que finalement je m'exerce à advenir un sujet un sujet libre, un sujet libéré, un sujet révolutionnaire, en tant que ce sujet ne préexistait pas avant, dans une certaine mesure. Il est produit par l'agir, par l'entraînement, par l'exercice de soi qui est une action à la fois individuelle, collective, et qui va passer par ce qui fait violence au pouvoir blanc, c'est-à-dire l'auto-organisation, et on le voit bien comment ça s'est déployé dès le manifeste en 10 points du Black Panther Party for Self-Defense, c'est-à-dire avec l'idée d'une autodéfense sociale et politique, l'organisation de dispensaires, d'écoles, de transports publics, c'est-à-dire avec vraiment des actes, un travail de solidarité, de constitution en fait, d'une communauté auto-organisée à même de subvenir en fait à ses propres besoins pour mener les luttes. Mais est-ce que ça veut dire que cette violence est sans fin? Parce qu'il y aura toujours une forme de domination, aucune révolution n'a jusqu'à présent, et peut-être le pourra-t-elle un jour, mais n'est venue à bout justement de toute forme de relation de domination, donc ça veut dire que la violence sera sans cesse justifiée. Je ne sais pas si on peut parler en des termes... Enfin, en tout cas, je ne parlerai pas en ces termes. Je pense que peut-être il faut restituer aussi la dimension absolument tragique qui est dont le texte de Fanon, enfin que le texte de Fanon porte et amène cette idée que la colonisation, y compris dans la colonisation telle qu'elle peut se poursuivre par d'autres moyens, est un régime de mort. C'est-à-dire que c'est aussi cette dimension tragique de l'exposition crasse à la mort sociale, la mort psychique, la mort y compris physique par la répression policière, par finalement l'appauvrissement et le non-soin. Et de ce fait, cette idée de penser à l'après en disant il y aura toujours de la domination, finalement c'est une violence sans fin, c'est presque un luxe, quoi. Il y a aussi une urgence de l'ici et maintenant. Oui, mais qui s'applique encore aujourd'hui. Pour le exactement. Coup, ces situations-là n'ont pas changé. Le colonialisme se perpétue sous d'autres formes. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple pour le Black Panther Party for Self-Defense, si on reprend une partie des théorisations qui ont été produites au sein du mouvement, il y a toute une réflexion finalement sur un renversement qui advient aussi par l'exercice de formes de soins, de soucis de soi, ouais, d'organisation, de solidarité. Et au fond, l'enjeu, c'est de renverser, encore une fois, ce qui est, dès ce moment-là, conceptualisé comme un mode de production capitaliste qui est, de façon consubstantielle, patriarcale et coloniale. Enfin, c'est la théorisation de ces années-là et qui permet de comprendre aussi que finalement, l'idée que la violence désintoxique, que la violence est une forme aussi, permet de faire table rase d'une histoire, c'est aussi de constituer, au fond, une autre forme de vivre en commun, ce que Fanon appelle de ses voeux, un autre humanisme, une autre organisation. Un nouvel homme, il le dit, un homme neuf. Exactement, c'est-à-dire, finalement, d'autres façons de produire la vie. nos conditions matérielles d'existence, d'autres façons de s'organiser collectivement pour un vivre en commun, pour du commun. Comment Fanon a-t-il été compris par ses contemporains? Comment s'est passée la rencontre avec Sartre, qu'il admirait, dont il voulait à tout prix que Sartre puisse lire son texte et même le préfacer? Voici le récit de cette rencontre par Claude Lanzmann, et vous entendrez ensuite un extrait de la préface de Sartre. On est bien loin de l'appel à créer un homme neuf. Écoutez. C'est moi qui ai organisé la rencontre Sartre-Fanon-Simone de Beauvoir à Rome, en 1960, juste avant l'indépendance de l'Algérie. Et moi, j'avais déjà rencontré Fanon plusieurs fois à Tunis. Et Fanon, c'était stupéfiant d'écouter cet homme, parce qu'il avait une voix qui était à la fois testamentaire, car il allait mourir, et prophétique en même temps. À propos de l'Afrique, il disait « Il ne faut pas que l'Afrique connaisse vos Moyen-Âge ». On voit ce qui s'est passé depuis, les machettes partout. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu Sartre s'arrêter d'écrire. Sartre, il écrivait tout le temps. Il avait ses horaires et puis... Rien, ni le climat, ni qui que ce soit pouvait l'empêcher. Pour Fanon, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pendant 3 jours d'écrire. Et c'est après qu'il a écrit la préface aux damnés de la Terre. Mais Fanon, c'est toute une histoire. Nos belles âmes sont racistes. Elles auront profit à lire Fanon. Cette violence irrépressible, il le montre parfaitement, n'est pas une absurde tempête, ni la résurrection d'instincts sauvages, ni même un effet du ressentiment. C'est l'homme lui-même se recomposant. Cette vérité, nous l'avons su, je crois, et nous l'avons oubliée. Les marques de la violence, nulle douceur ne les effacera. C'est la violence qui peut seule les détruire. Et le colonisé se guérit de la névrose coloniale en chassant le colon par les armes. Quand sa rage éclate, il retrouve sa transparence perdue. Il se connaît dans la mesure même où il se fait. De loin, nous tenons sa guerre comme le triomphe de la barbarie, mais elle procède par elle-même à l'émancipation progressive du combattant. Elle liquide en lui et hors de lui, progressivement, les ténèbres coloniales. Dès qu'elle commence, elle est sans merci. Il faut rester terrifié ou devenir terrible. Cela veut dire s'abandonner aux dissociations d'une vie truquée ou conquérir l'unité natale. Quand les paysans touchent des fusils, les vieux mythes pâlissent, les interdits sont un à un renversés. L'arme d'un combattant, c'est son humanité. Car, en le premier temps de la révolte, il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Le survivant, pour la première fois, sent un sol national sous la plante de ses pieds. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Elsa Dorlin, on sait que Fanon a lu ce texte avant de mourir, on ne sait pas ce qu'il en a pensé. À moins que vous ayez des informations que je n'ai pas, mais je crois qu'on ne sait pas ce que Fanon a dit de cette préface. Si bien qu'on se demande en entendant ce texte, est-ce que Fanon l'aurait reçu comme étant l'expression du blanc bourgeois qu'était Sartre qui s'achète une bonne conscience ou comme celui d'un frère d'armes mu par la même cause révolutionnaire? Comment est-ce que vous le voyez ce texte? Alors moi je dois dire que je considère cette préface de Sartre comme un texte très puissant et très utile finalement, notamment pour aujourd'hui. Il ne vient pas du tout recouvrir celui évidemment de Fanon. Le texte de Sartre, si on le lit et si on le prend au sérieux, est puissant en ce que Sartre dit bien ce texte, Les damnés de la Terre, n'est pas écrit pour vous. Donc Sartre ça s'adresse, hein, précisément il y a une adresse de Sartre dans le texte, c'est nous les Européens, il commence la préface comme ainsi, et il dit les damnés de la Terre ne sont pas écrits pour vous. Mais ouvrez ce livre, lisez-le, et vous pourrez peut-être, vous allez le lire dans la nuit finalement. Et il fait référence à cette phrase de Fanon conclusive pour sortir de la grande nuit. C'est pour moi le texte, il est très intéressant, enfin de la préface, parce que elle prend acte du point de vue, d'une forme de diagnostic, comme il dit, opéré par Fanon sur l'Europe, sur les Lumières, sur l'humanisme. Et ce diagnostic, il est radical parce que finalement, il saisit aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'humanisme, comme dit Sartre, tout nu, pas beau. Et pour moi, Sartre se donne pas du tout une bonne conscience. Il prend lui-même acte en fait d'une, enfin de, de cette violence du massacre que constitue l'histoire du colonialisme et de l'urgence de la décolonisation de l'Europe elle-même. D'ailleurs, il dit peut-être que ce livre permettra d'engager la décolonisation de l'Europe. Parce que les reproches qui sont faits à cette préface, c'est de dire que Sartre aurait vampirisé le texte de Fanon et qu'il est beaucoup, il appelle beaucoup plus à la violence dans sa préface que Fanon ne le fait dans son texte. Donc vous ne écrivez pas à ça. Non, parce que, Fanon, la question de la violence chez Fanon, elle est tout à fait claire. C'est-à-dire que il y a cette dimension selon laquelle un bon colon est un colon mort. Et quand Fanon écrit ça, repris dans la préface de Sartre, ce dont il faut avoir conscience, c'est effectivement ce que j'ai rappelé tout à l'heure, le nombre de victimes du colonialisme, des massacres, mais aussi ce que rappelle Sartre aussi dans sa préface, c'est-à-dire l'idée aussi en Algérie d'une génération entière d'hommes engagés dans la guerre d'Algérie et qui vont être assignés à torturer des Algériens pendant 10 heures. Et Sartre le rappelle. Je pense évidemment au magnifique ouvrage là de Raphaël Branche sur précisément la façon dont le colonialisme et ses technologies de mise à mort ont constitué une culture nationale française, pour une génération entière qui a été confrontée et qui a été le bras armé de telles pratiques. Il me semble que la préface de Sartre, elle est vraiment intéressante sur cette idée de nous Européens, justement, qu'est-ce qu'un philosophe français blanc, c'est-à-dire Sartre, peut dire de cette histoire-là, peut comment il peut réfléchir à cette histoire de la violence. Et ce qui est intéressant dans la préface, c'est qu'il parle bien, par exemple, de cette mécanique d'une... Il parle de la postulation d'universalité, ouais, qui a eu pour fonction de couvrir des pratiques plus réalistes. Et les pratiques plus réalistes, comme le dira Sartre, c'est, encore une fois, c'est la violence mortifère du colonialisme. C'est le pillage, c'est le vol, l'appropriation de terres, de richesses, etc. Et Sartre a aussi cette clairvoyance au sens de, voilà, il se prend la vérité finalement en pleine figure, et il dira également dans cette préface une expression qui me semble tout à fait intéressante. Il parlera même que après le colonialisme, il y a encore le colonialisme gâteux. Et effectivement, le colonialisme gâteux, c'est ces autres formes, cette continuation de politique dont on a jusque dans l'actualité très récente des expressions tout à fait là encore concrètes, effectives. Je pense soit au chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, dont on sait que ça a été une forme là encore de dimension mortifère absolue des terres, des corps, des individus sur un territoire qui, malgré le fait qu'il soit officiellement décolonisé, n'en demeurait pas moins encore un monde colonial. Où je pense également au rapport qui a été fait sur le Rwanda et la position et l'action de la France, ou sa responsabilité dans le génocide. Donc, finalement, je me demande si lorsqu'on dit Sartre, finalement, se donne bonne conscience, ou Sartre va plus loin, ou pis, Fanon, c'est peut-être une façon aussi de pas entendre qu'il y a une position qui serait tenable et qui serait même de l'ordre d'une forme de probité intellectuelle, de prendre acte de cette généalogie en fait européenne et des distorsions de cette pensée européenne qui a justifié en fait le pire dans le cadre de l'histoire du colonialisme. Oui, c'est vrai, mais Sartre lui-même semble appeler à une forme d'autodestruction de l'homme qui a exercé la domination sur le colonisé. C'est une manière de dire, alors certes on peut dire que c'est comme ce que dit Fanon, il appelle de ses voeux la construction d'un homme neuf, tenter de mettre sur pied un homme neuf, c'est la dernière phrase des Damnés de la Terre. On peut se demander si finalement chez Sartre c'est pas une manière de... Comment dire, c'est comme si la position de Sartre était moins nuancée. Certes elle est fidèle à ce que dit Fanon, mais on a l'impression qu'on perd justement la justesse des propos de Fanon, qui dans une certaine mesure peuvent être lus d'un point de vue universaliste. En tout cas c'est ce que les invités de cette semaine ont avancé, c'est peut-être pas votre position Elsa d'Orlin, si bien que le texte de Sartre paraît presque plus une caricature de ce que dit Fanon qu'une fidélité à ce qu'il écrit. Oui, je ne suis pas certaine que je reprendrai une partie des positions des invités de cette semaine sur cette question-là. Il est très clair que dans Les Damnés de la Terre, d'ailleurs, la question est l'internationalisme d'abord. Et à plusieurs reprises, il est question... il est question de l'histoire et du sujet révolutionnaire et d'un renversement en fait d'un ordre de la domination qui partout encore une fois témoigne de sa violence absolue. Donc il y a pas le propos de Fanon, je suis pas sûre qu'il y ait une dimension, il n'y a pas un enjeu sur l'universalisme, il y a un enjeu sur l'humanisme et sur l'internationalisme. Et en ça... Quand il dit le blanc n'existe pas, le noir non plus. C'est ce que disait Achille Mbembe lundi, c'est qu'il y a un appel à dire mais considérons-nous d'abord comme des êtres humains et pas que d'abord comme des êtres racialisés. Certes, mais ça c'est bien joli. Justement, tout ce que tente de démontrer Fanon, c'est que il y a un cadre dans lequel je ne choisis pas en fait de me poser comme un être en soi ou comme, enfin, toute la question est de réfléchir à ce que Fanon appelle d'ailleurs dans Les Damnés de la Terre, ce qui est absolument magnifique, cette la violence atmosphérique du colonialisme ou du racisme, cette violence atmosphérique, ce qui fait signifie chez Fanon cette idée que en fait je respire le colonialisme, et y compris le colonialisme et ce cadre dans lequel je me pense et j'adviens comme un individu, en l'occurrence racisé. Mais je allez-y, un dernier mot, on terminera là-dessus. Oui, ce qui me semble important, c'est que Sartre appelle, encore une fois, dans la préface, à la nécessité d'une décolonisation de l'Europe, d'une décolonisation de la pensée. Et il est très intéressant, d'ailleurs, que finalement, ce qu'il dit, c'est que l'homme nouveau ne pourra pas advenir dans un contexte qui est celui du européen, au sens du cadre imposé par l'histoire de la pensée ou de l'humanisme tel qu'il a été pensé. J'aime beaucoup cette idée chez Sartre qui dit « ce livre nous décolonise ». Ouais. Ce livre nous décolonise, c'est un instrument. Enfin voilà, c'est vraiment... lui-même, ce livre est violent, il nous fait violence. Et finalement, je pense qu'il y a une forme aussi de, peut-être surtout chez Sartre dans la préface, de pessimisme, parce que ce qu'il pose, en tout cas, c'est qu'il, en s'adressant aux Européens, il dit c'est nous les zombies. Donc probablement que l'histoire, vous voyez, les sujets de l'histoire, ce qu'il va advenir, la dimension inédite, le kairos, à la fois pour penser de façon inédite et de produire un autre monde possible, il sera ailleurs. Merci beaucoup Elsa d'Orlin, on doit s'arrêter maintenant. Merci pour d'être venue nous parler de Frantz Fanon ce matin, et surtout des Damnés de la Terre que vous donnez envie de relire, on le trouve aux éditions Folio. Votre livre « Se défendre, une philosophie de la violence », dans lequel on trouve des pages sur Fanon aussi, est disponible aux éditions La Découverte. On mettra votre bibliographie en lien sur les chemins de la philosophie. Il est temps sur France Culture de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Pourquoi ressent-on le besoin de voyager? Eh bien, je suis assez âgé pour avoir connu dans mon enfance l'apogée de ce qui n'existe plus qu'à l'état de mythe. Je veux parler de la soirée Diapo. La soirée Diapo, pour en donner une idée à ceux qui n'en ont pas connu, c'est un traquenard égal à celui qui consiste à écouter quelqu'un dans une soirée, vous raconter pourquoi vous devriez absolument regarder telle ou telle série. Et pourquoi vous êtes un imbécile de n'être jamais allé au Mexique, à Maurice ou Bali, Bali dont les interminables terrasses subissaient les agressions d'un petit pointeur lumineux accompagné d'explications sommaires sur la culture locale. Comme disait ma grand-mère, à quoi bon voyager puisqu'on a la télé ? J'ai ainsi été enfant grâce à un oncle photographe en Thaïlande et en Égypte. Nul besoin d'y retourner. La lumière ne sera jamais aussi belle et chaude que dans ces photos rétro-éclairées et aucun réacteur d'avion ne convoquera autant pour moi l'idée de voyage que le bruit des ailettes de refroidissement d'un projecteur rotatif. Je me mets même un peu à rêver. Et si la pandémie au moins nous apportait la fin des voyages, que le ciel était beau et bleu il y a encore un an, je nous souhaite de tout cœur de ne plus jamais avoir à retourner dans des aéroports. Oui Aurélien, mais on peut voyager sans aller dans les aéroports quand même. Oui, bien sûr, sauf que les grands voyageurs que j'ai rencontrés avaient toujours de terribles anecdotes d'aéroports à me raconter. La perte de leur valise, leur surclassement in extremis ou cette nuit terrible passée presque à la belle étoile dans un aéroport de transit. J'en suis même venu à me demander si le pays étranger n'était pas juste une expérience un peu désagréable au cœur de cette expérience bien plus intense et complexe de l'exotisme aéroportuaire. Même les célèbres pickpockets des bidonvilles du Caire ou de Rio ont peu à peu été remplacés par la figure plus proche du bagagiste indélicat. Et c'est comme cela d'ailleurs que les voyages pourraient se mettre à m'intéresser comme accomplissement d'une de mes prophéties préférées, le Chesterton, le champion anglais du paradoxe. Et quel est que dit cette prophétie ? Eh bien que les voyages disparaîtront d'eux-mêmes le jour où les hommes comprendront que le plus grand exotisme qu'on peut rencontrer, il est chez ses voisins. Inutile même d'aller jusqu'à Roissy, l'être humain le plus proche de nous est le plus inquiétant, le plus fascinant, le plus envoûtant, le plus répugnant que tous ceux qu'on verrait dans aucun pays du monde. Tous les malheurs de l'homme ne viennent pas qu'il ne sait pas rester seul dans sa chambre. Netflix et ma grand-mère ont sur ce point apporté un démenti cinglant à Pascal. Ils viennent de ce qu'il a tellement peur de son voisin de palier qu'il préfère faire 6000 km pour ne pas savoir à lui parler. Le drame étant bien sûr que ce sera le seul, à la fin, à qui il aura parlé de son périple, pour lui raconter évidemment les dernières aventures de sa valise perdue. Et donc c'est pour ça, vous pensez qu'on voyage en dernier lieu, pour avoir quelque chose à dire à son voisin ? Eh bien, je le crains, hélas. Et alors qu'on en est réduit à supprimer ses mails pour sauver la planète, je crois qu'on néglige un peu le coût carbone d'une telle conversation. Mais je veux enfin noter, pour sauver l'idée de voyage et inverser le paradoxe de Chesterton, que je ne me suis jamais senti autant en terre inconnue que les fois où, enfant, j'allais dormir chez des amis. Tout leur rituel domestique me paraissait merveilleux et absurde, leur lessive sentait bizarre, et j'étais terrorisé à l'idée de commettre un impair. Avais-je ou non, par exemple, le droit de garder mes chaussures dans le salon? Et je crois qu'elle est là, en dernier lieu, la raison pour laquelle on voyage, pour revivre un peu de ces terreurs enfantines. Et le fait est qu'avant la crise climatique, prendre l'avion était bizarrement moins terrifiant que d'aller frapper chez ses voisins. Merci Aurélien Bélanger. En tout cas, quand vous reviendrez en studio, vous pourrez garder vos chaussures. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et il me reste quelques secondes pour remercier l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier, Manon Delasselle, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger, Jean-Frédéric, Bernard Garbet à la lecture des textes, et vous donner rendez-vous demain à 10h pour un nouveau cours particulier. On sera en compagnie du pianiste et compositeur Michael Levinas. Restez à l'écoute sur France Culture.